vise à la lune. La putain dans la pub, tu m'as failli frérot, mais tranquille sans rancune. Vas-y, arrête de t'échanger, t'es prêt de te chier, je m'occuperai de ta prochaine. René capuché méchant, on mettra des fléchis à celui qu'on touche un. Attends, c'est ce pétard. Y'a plus grand, y'a plus petit. À la pose ou la blota, tu partages pas, nous on parle pas en nage. Collage à droite, on s'est fait. J'ai rien vu, rien entendu, je sais pas. Tellement déter depuis le CP, que même mon pire ennemi tout de moi. Et l'ennemi d'hier sera jamais l'ami de demain. Et l'avertissement fera seulement avec mes deux mains. Après sur la donne, de l'eau sur le pain. On débarque et la France on l'atteint. Le réservoir est vide, mais je me permets de mettre le plein. On a brassé, brassé, brassé, brassé. On a volé, puis grave, on a tiré. On a fait tout ce que tu feras pas, fils de pute. J'ai ramassé des tubes, toujours claqué au sud. Un putain à la bouche, bouche, j'écrivais toute la nuit. Si ça sert plutôt louche, louche, je m'en rappellerai toute ma vie. Le premier qui bouge, je l'allume. Le premier qui bouge, je l'allume. Le premier qui bouge, je l'allume. Le premier qui bouge, je l'allume. Le premier qui bouge, je l'allume. Le premier qui bouge, je l'allume. Le premier qui bouge, je l'allume. Le premier qui bouge, je l'allume. Le premier qui bouge, je l'allume. Le premier qui bouge, je l'allume. Le premier qui bouge, je l'allume. Le premier qui bouge, je l'allume. Le premier qui bouge, je l'allume. Le premier qui bouge, je l'allume. Le premier qui bouge, je l'allume. Le premier qui bouge, je l'allume. On va les rafaler, rafaler, rafaler. Rafaler, rafaler, rafaler. On va les rafaler, rafaler, rafaler. Rafaler, rafaler, rafaler. Le premier qui bouge, je l'allume. Le premier qui bouge, je l'allume. Le premier qui bouge, je l'allume. Le premier qui bouge, je l'allume. Y'a du pif et du coco. Y'a plus de pif dans ton coca. Mythique pose comme tes cocus. Mascara cache ton coca. Voilà ta coquine, elle croit que. Je la pile, je la croquer. Ton compte en comme ton code pile. Pas trop zéro, t'es bloqué. Les bandits sont dans le pira. Les bandits sont dans le pira. Sirote ma piste pour l'apéro. Numéro 8, stop comme Kiron. T'as plus qu'à tu crois qu'on le sait pas. Y'a Raja que personne ne sait pas. Monsieur l'agent, moi je sais pas, j'étais chez moi, je regardais bien avec les stars. Visse tes poches, t'as des foutes, c'est des conscience. Trouve-moi dans le creusant. Clinton sur le toit, je te vise les jambes, tu le ressens. Un pour le Jekka, tu prends la ville. Sous mon porte les jambes, mettrai plein la vue. Pour l'auto, tu veux mon avis. On passe commis de plus, t'es en garde à vue. Quand je reste des skis dans le pétrole, une barre par mois, je serai dans le pétrin. Monnaie comme dans le béton, si je bosse avec toi, je fais béton. Personne me met l'impression. Y'a qu'un homme qui t'impressionne. Viser le mille, on est précis. Pour le râler, on est précis. Le premier qui bouge, je l'allume. Le premier qui bouge, je l'allume. Le premier qui bouge, je l'allume. Le premier qui bouge, je l'allume. Le premier qui bouge, je l'allume. Le premier qui bouge, je l'allume. Le premier qui bouge, je l'allume. Le premier qui bouge, je l'allume. Le premier qui bouge, je l'allume. Le premier qui bouge, je l'allume. Le premier qui bouge, je l'allume. Le premier qui bouge, je l'allume. Le premier qui bouge, je l'allume. Le premier qui bouge, je l'allume. Le premier qui bouge, je l'allume. Le premier qui bouge, je l'allume. On va les rafaler, rafaler, rafaler. Rafaler, rafaler, rafaler. On va les rafaler, rafaler, rafaler. Rafaler, rafaler, rafaler.